Cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in, amma ba'd. Kamada akhadna fi darsina al-akhir? نعم أخذنا قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية هنا؟ نعم الإثبات في ماذا؟ تفضل. نعم الحي القيوم العلي العظيم إلى آخره، والنفي زد. نعم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم وكذلك أنه العلي وأنه الحي وأنه القيوم etc. beaucoup de noms, beaucoup d'attributs. ونفى عن نفسه السنة والنوم، أن الله عز وجل يدخب إلى باب زون دو دورمير سي الحي. Man Hafiza, qui c'est qui veut réciter? وما وصف نفسه به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في الليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قوله رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا سان ريفيرونس او حديث دو ابو هريره رضي الله عنه، وفيه اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الايه، فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحديث اي قصه ابي هريره مع الشيطان. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il était chargé de surveiller Amwal al-Sadaqa. Wa rajulun ja'a fi laylatin, et il a volé. Abu Huraira radiyallahu anhu, il l'a attrapé et il l'a menacé de l'emmener au prophète alayhi salatu salam, et cet homme il s'est excusé, il a promis qu'il ne recommencerait pas, il a akhari. Abu Huraira radiyallahu anhu taraka, il l'a laissé. Thumma la deuxième nuit, la même chose. Thumma la troisième nuit, la même chose. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il a décidé de l'emmener chez le prophète alayhi salatu salam. Hada ar-rajul qala li Abi Huraira radiyallahu anhu, annahu il va lui montrer une chose, s'il le dit, ça va le préserver ila akhiri. Et c'est ça le hadith. Faqala lahu ar-rajul idha awayta ila firashik faqra ayat al-kursi ila akhiri. ثم أبو هريرة رضي الله عنه إلى بعض informé النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل. Et le prophète عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة est-ce que tu sais qui est cet homme qui est venu durant ces trois nuits. أبو هريرة رضي الله عنه il ne savait pas. فالنبي صلى الله عليه وسلم il l'a informé que c'était il a informé أبو هريرة رضي الله عنه que c'était الشيطان. Que c'était le shaitan qui avait pris l'apparence de cet homme et qui venait voler de hadha al-mal. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala sadaqaka wa huwa kadhoub. C'est pour ça que c'est devenu une sunna. Il y en a, c'est ma qalahu, c'est haq. Le shaitan, il a informé de cette chose. Limadha li'annahu, c'est un shaitan. Il sait que, ou il savait plutôt que celui qui récitait ayat al-kursi la nuit, il ne pouvait pas l'approcher. Donc il a informé Abu Huraira radiyallahu anhu de hada, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala sadaqaka wa huwa kadhoub. Et il a dit vrai, malgré que ça reste un menteur. Donc, min as-sunnah, c'est de réciter hadhihi al-aya qabla an-nawm. C'est min asbab al-hifz. C'est parmi les causes pour être préservé. Min ash-shaytan, du shaytan. Cheikh al-Fawzan, il a cité al-hadith. Et hakada Cheikh ibn Uthaymeen et kathir min ash-shurrah. عند قول شيخ الإسلام رحمه الله يسيت حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح حيث قال. On est toujours dans cette partie du matn où Cheikh l'Islam le Taymiyyah rahimahullah il a cité beaucoup de versets, plusieurs versets sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir cité le muqaddima nafi'a alayhi rahmatullah sur l'importance de hada al-ilm et certaines qawa'id, certaines bases, et qu'adalik s'écarter de la méthodologie des égarés, al-mu'attila wal-muharrifa, al-mumathila wal-mukayyifa, etc., al-mufawwidha. Rahmatullah alayhi, il a cité comme exemple plusieurs versets pour montrer anna Allah azza wa jal athbata li nafsihi sifat. Anna Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui-même, Azza wa Jal, des sifat, des attributs. Et parmi ces attributs, ma dhukira fi surat al-ikhlas wa fi ayat al-kursi. Wa hakada ce verset qu'on a lu à l'instant, min surat al-hadid, wa hakada beaucoup de versets qu'il a cité, rahmatullah alayhi. Thumma, il va citer des hadiths du prophète, alayhi salatu wasalam. Lianna al-mu'min, il doit croire au verset du Coran, al-azim, bien sûr, et hakada à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a cité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ka sifati an-nuzul et autres. Et Cheikh l'Islam rahimahullah il a cité une jumla min hadhihi al-ahadith. قال رحمه الله وقوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء تقدمت معنا بالتفصيل on les a étudiés والله الحمد ensemble dans notre cours sur l'explication des noms d'Allah سبحانه وتعالى ces quatre noms الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم et هذا الاسم englobe صفة العلم فالله سبحانه وتعالى il sait tout أما ما يتعلق بالعلم Enfin, l'imam Al-Taymiyyah, rahimahullah, il a cité plusieurs versets concernant cet attribut. Amma qawluhu huwa al-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin. Fa kama qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah al-Sharih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fassara hadhihi al-asma al-arba'. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a expliqué ces quatre noms. Al-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin. Bitafsirin mukhtasarin. Avec une explication résumée, jami'in, qui englobe beaucoup de sens, wadihin, très clair. Haythu qal, anta al-awwalu fa laysa qablaka shay. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-awwal. Al-awwal est traduit par le premier. Et huna al-ma'na, anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-awwal, ay laysa qablahu shay. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé. أما المخلوق فلا شك أن المخلوق chaque créature a un début. لماذا؟ لأن الله عز وجل c'est le créateur. Et cette chose qui a été créée, elle a été créée par Allah سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل c'est l'أول, c'est le خالق, c'est le créateur. فليس قبله شيء. Il n'y avait rien avant lui سبحانه وتعالى et il a toujours existé عز وجل. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. كذلك الله سبحانه وتعالى الآخر. وتقدم معنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا صموخ الإحاطة الزمنية، أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، سواء الأزمان أو الأماكن. ولعل نعم شيخ الإسلام أو بتو شيخ الفوزان حفظه الله دانسون الشرح إلى ست كلام من القيم، فلعله نقراه بإذن الله عز وجل ندخفه أبخى بغلو هذا الكلام. قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. قبل ذلك الأول صمونتر الأزل، واسمه الآخر صمونتر ماذا؟ عندما الأبد. نعم الأبد. ما معنى الأزل تذكرون؟ نعم الأزل أي لم يسبق بعدم. الأزل الله سبحانه وتعالى il a toujours existé. الأزل أي une chose qui n'a pas de بداية qui n'a pas de début. فالله سبحانه وتعالى وصفاته، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى c'est الأول، وصفاته أزلية أي il a toujours existé, il a toujours eu ses attributs. الأبد c'est l'inverse, quelque chose qui n'a pas de nihaya, qui n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé et il est éternel subhana. Qala wa anta adh-dhahir fa laysa fawqaka shay. Adh-dhahir, ça ressemble à ism al-ali. Tastafid min hadha al-ulu, an Allah subhanahu wa ta'ala c'est adh-dhahir, et il est au-dessus de ses créatures. Wa hadha taqaddama ma'ana kathiran. Et المؤلف ابن تيمية رحمه الله لسيد عن باب في العلو في هذه الرسالة النافعة. قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فليس دونك شيء. On peut citer une précision هنا من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس السواعق المرسلة، قال: وبطونه سبحانه. الله سبحانه وتعالى هو الباطن. فبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء. فقوله الباطن فليس دونك شيء سصمتخ أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. الباطن الظاهر العلو لفتت خدسه، وقوله عز وجل الباطن سفيان القرب أي أن الله سبحانه وتعالى يكون أقرب إليه من نفسه. الله سبحانه وتعالى il est plus proche du عبد que son propre نفس. قال: وهذا قرب الإحاطة العامة. الإحاطة العامة أي الله سبحانه وتعالى قريب من عبده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى il est قريب. الله سبحانه وتعالى il est معنا وهو معكم أينما كنتم. Et bien sûr, tout ça c'est al-ma'iyya al-amma. Wa huna qala al-ihata al-amma. Ça ne contredit pas le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus. Et ta'ammal huna, les deux noms ils sont cités. Allah il est au-dessus, c'est al-zahir et c'est al-batin. Et il est proche. Limadha li'annahu il sait tout subhanahu. Limadha li'anna Allah subhanahu wa ta'ala il est azim. C'est al-kabir, c'est al-a'la, c'est al-azim. Et hadha al-kawn. Et les créatures. C'est quelque chose de très très petit عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى il est القريب، تقدم معنا هذا في شرح الأسماء الحسنى. كذلك الباطن سبحانه. قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها وبيان إحاطته من كل وجه. فالله سبحانه وتعالى هو المحيط. كذلك هذه الأسماء الأربعة تفيد هذه الإحاطة، أن الله سبحانه وتعالى l'englobe tout, il cerne tout. فلهذا قال إحاطته من كل وجه، que ce soit par rapport au temps أو par rapport au lieu. فلهذا قال فالأول والآخر إحاطته الزمانية. الله سبحانه وتعالى c'est le premier, c'est l'أول et c'est l'آخر. Et celui qui a tout créé, celui qui sait tout et celui qui gère tout. فلا شك أن في هذا الزمن الله سبحانه وتعالى هو المحيط. قال والظاهر والباطن إحاطته المكانية. Aïe, le lieu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dahir et c'est le batin. Il est au-dessus et il est qarib. Ça montre l'ihata par rapport au lieu. قال ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء أي قوله عز وجل وهو بكل شيء عليم dans le verset. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité plusieurs de ces noms, al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Tu profites ou tu comprends de cela en Allah subhanahu wa ta'ala muhitun bil-ibad. Muhitun bil-ibad. Aïe, n'importe quel lieu, n'importe quel moment, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait ce que tu fais, c'est lui qui a tout décrété, c'est lui qui te fera mourir, qui te ressuscitera, qui te jugera, qui te récompensera. Ça montre que l'ibad, voilà, chaque, en Allah subhanahu wa ta'ala, muhitun bil-jami'a. ثم أكد في هذه الآية بقوله وهو بكل شيء عليم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. قال ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحيلات فلا يغيب عن علمه مثقال فلا يغيب عن عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله شيخ الفوزان حفظه الله إلى سيتي الكلام qu'on avait lu في شرح أسماء الله عز وجل أو un كلام قريب منه est-ce que c'est le même بالضبط ينظر. قال رحمه الله كما في السواعق المرسلة فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان لأزليته وأبديته سبحانه. نعم دونه pour al-azaliyya wal-abadiyya, al-awwal wal-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé. Al-azal, c'est quelque chose qui n'a pas de début. Et al-abadiyya, al-abad, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'awwal wal-akhir. Qala wa isman li'uluwihi wa qurbih. Uluwuh, ay al-zahir wa qurbuhu, ay al-batin. Allah, il est au-dessus et il est proche de ses ibad. قال فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه. الله سبحانه وتعالى هو الأول عز وجل. قال وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت. أما الله سبحانه وتعالى c'est le hayy, c'est le qayyum. قال فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. Il n'y a rien qui existait avant Allah et il n'y a rien qui restera après Allah subhanahu wa ta'ala. بقاؤه هنا, ça ne contredit pas أبدية البشر. Là, لأن الإنسان goûtera à la mort. فهذا c'est لا شك أنه سنوع de نهاية الموت. ثم il sera ressuscité et cet être humain il vivra éternellement. لكن tout ça c'est بحكم الله عز وجل. فحتى l'éternité de l'être humain c'est grâce à Allah سبحانه وتعالى. C'est Allah qui a voulu. Et مع هذا cet être humain il goûtera à la mort. قال وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout, de toutes les créatures. وَمَعْنَ الظُّهُورُ يَقْتَضِي الْعُلُوُ وَظَاهِرُ الشَّيْءِ مَعَلَ مِنْهُ. نعم, ظَهْرُ الْأَرْضِ, c'est le dessus. الظَّاهِر d'une chose, c'est le dessus de la chose. C'est pour ça qu'on dit ظَهْرُ الْأَرْضِ. C'est pour ça qu'ils disent الظَّهْر, le dos. نعم, c'est le dessus. قَالَ وَظَاهِرُ الشَّيْءِ مَعَلَ مِنْهُ وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه وهذا قرب الإحاطة العامة لكلام كنا سيتي. Et لعل الكلام كنا avait lu ensemble في شرح أسماء الله عز وجل il était plus vaste ولله الحمد. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى c'est الأول, c'est الآخر, c'est الظاهر, c'est الباطن et كذلك c'est العليم. Il est بكل شيء عليم. والشاهد من الآية الكريمة et ça c'est très très important في الدرس. Et pourquoi Cheikh al-Islam il a cité ce verset هنا رحمة الله عليه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا تقدس وتعالى علوا كبيرا عز وجل. وتقدم معنا كذلك دا نوتخ الدرس في شرح أسماء الله عز وجل أن هذا الإيمان بهذه الأسماء العظيمة وبهذه الصفات الجليلة سبع impliquer des choses pour l'abd, ça va faire monter son iman. فلهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح قال الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم وهكذا أنه المحيط إحاطة زمنية ومكانية أن الإنسان قال كمال مراقبة الله عز وجل وخشيته. الله سبحانه وتعالى c'est l'awwal, c'est l'akhir. Il a toujours existé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette période, bien sûr, il a créé les êtres humains et d'autres créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le muhit, il sait tout ce qu'il se passe via hadha zaman. C'est lui qui a créé al-bashar et qui a créé toutes les créatures. Hadha, ça doit nous pousser à craindre Allah. Wa hakadha al-amakin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, les océans, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de cette créature. Et il est qarib. Et il est ma'ana, il est avec nous, bi'ilmihi. Et il nous entend, il nous voit. Enfin, tout ça, ça doit pousser l'insan à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ma baluk anta, si tu es cerné par un adou, muhasar fi makan. Tu es dans un endroit et tu es prisonnier. Et tu as des ennemis autour de toi. Tu vas être à la hadr. Tu vas être à la hadr. Tu vas faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Tu vas prendre des précautions. Il a akhiré. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit, il nous entend à chaque instant. On ne peut pas vivre comme on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Là, on aura des comptes à rendre. Allah subhanahu wa ta'ala, alimun khabirun azza wa jal. قال الشيخ الفوزان أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. هذه الثمرة العظيمة. لأن ça doit pas être que avec le kalam. Là, le fruit de ce iman, de cette foi en Allah سبحانه وتعالى, c'est l'awwal, c'est l'akhir, c'est l'zahir, c'est l'batin. Et il est بكل شيء عليم, il sait tout. Si l'iman, ou si l'insan plutôt, il a cette croyance dans son cœur, ça doit le pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte, elle va être comment? Ça va se voir sur l'insan. قَالَ بِحَيْثْ لَا يَفْقُدُهُ حَيْثُ أَمْرَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné des choses, enfin, tu dois faire ces choses. وَإِلَّا si tu ne les fais pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Et il l'a toujours su, subhanahu. Bel, c'est lui qui a décrété hada. Et il t'a donné le choix, ayyuhal abd. Et kadhalik, wala yara haythunaha. Et kadhalik, les choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a interdit en tant qu'être humain, en tant que mukallaf, tu ne dois pas faire ces choses. Enfin, celui qui a cette aqidah, là, chacun, il va faire attention. Il va faire attention à est-ce qu'il applique les ordres et est-ce qu'il s'est écarté des interdits. لماذا لأن الله عز وجل il le voit, il l'entend, il a akhri comme taqaddam. Et une autre chose كذلك qui aide beaucoup, c'est l'iman باليوم الآخر. أن الإنسان مع أن الله سبحانه وتعالى il le voit, il a chargé des anges qui notent tout, وهكذا cet être humain il rendra des comptes. على الشك أن هذا ça nous montre أن الإيمان العقيدة qui est fondé sur les noms d'Allah, sur les attributs d'Allah, sur la croyance au jour du jugement, les anges, les livres, etc. Apprendre cette aqidah, c'est min a'zam al-asbab pour pouvoir appliquer les ordres et s'écarter des interdits, pour pouvoir patienter face aux épreuves, pour pouvoir être fort dans son dîn, ne craindre que Allah subhanahu wa ta'ala, faire des efforts, ne pas désespérer. Tout ça, c'est fondé sur cette aqidah. Celui qui veut avancer dans son dîn, qui commence par la base. C'est ça la base, c'est apprendre هذه العقيدة. Ça va t'aider dans tout. Tu veux décider, tu as décidé maintenant de apprendre la langue arabe, la aqidah ça va t'aider. Tu as décidé d'apprendre le Coran, la aqidah ça va t'aider. Tu as décidé de faire la hijra, la aqidah ça va t'aider. Tu as décidé de chercher du travail, la aqida, ça va t'aider. Bi'idnillah, chaque domaine. Les mada, les anna al-qalb, le cœur, c'est la base de l'insan. Si ce cœur, il est fort, bi'idnillah, azawajal, tout ce que tu entreprendras, que ce soit fi dinika ou dunyak, ce qui concerne ta religion, ou les affaires de ce bas monde, bi'idnillah, azawajal, tu avanceras. Et tu auras a'zam zad. Tu auras la provision la plus bénéfique, la plus importante. Cette aqida. ثم قال رحمه الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. À partir de ce passage, كما تقدم معنا أن الشيخ سعدي رحمه الله, il n'a pas expliqué tous les versets. Il a expliqué سورة الإخلاص باختصار, ثم il a expliqué ما يتعلق بآية الكرسي باختصار, ثم ce premier verset من سورة الحديد باختصار. Et à partir de هنا, il n'a pas expliqué chaque verset. À la fin, quelques pages après, il a résumé certaines مسائل. Il a résumé certains points qui sont liés aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن المناسب هنا, c'est qu'on revienne à شرح شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. C'est un شرح très très simple qu'on avait déjà étudié avec certains frères auparavant. Et on lit chaque verset min al-matn et on revient au charh de al-allama al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Il est mufid, il est mukhtasar, il est très simple, et il a cité al-shahid min al-aya, il a cité certaines fawaid. Fabi'idnillahi azza wa jal, on essaiera de profiter hakada jusqu'à qu'on finit ce passage, hey, tous les versets que Cheikh al-Islam rahimahullah il a cité fi hadha al-matn. Donc celui qui a al-sharh, à partir de la semaine prochaine, il emmène avec lui هذا الشرح. فقال رحمه الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا, أي لا يموت أبدا, أي الله سبحانه وتعالى يقطخ جميع الأمور. لماذا؟ لأنه سلحي. Il a l'attribut de la vie et sa vie elle est parfaite. Wallillah il mathalul a'la. Tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont parfaits. Et la mort ça contredit la perfection. Celui qui meurt, c'est qu'il n'est pas parfait. Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait, ses attributs sont parfaits, il goûtera jamais à la mort. C'est l'awwal et c'est l'akhir. Al-akhir c'est celui qui n'a pas de fin. Contrairement à l'être humain qui aura une fin, il mourra. Même s'il sera ressuscité après, il sera éternel. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. قال أي فوض أمورك إليه فالتوكل لغة التفويض يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. قوله وتوكل على الحي, التوكل كما عرفه هنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سيعتماد القلب على الله. Tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fi jalb ma yanfa' wa daf'a ma yadhur. Ay, tout ce qui peut être profitable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te le donner. Et tout ce qui peut te nuire, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut repousser cette mauvaise chose. Qala wa tawakkul ala Allah naw'un min anwa'i al-ibadah wa huwa wajibun wa la yunafi al-akhd bil asbab bal yattafiq ma'ahu tamaman wa hadha tanbih. أن التوكل placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala c'est une ibadah azima, c'est une adoration. Si al mu'min yahqaq hadha al tawakkul, ça va lui ouvrir les portes à beaucoup de choses. ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه. Celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui suffit. Allah subhanahu wa ta'ala il lui ouvrira les portes, il lui donnera, il le guidera, il le préservera, il le protégera. Même si d'autres ils veulent le contraire, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Malik, c'est Al-Aziz, c'est Al-Jabbar. Si Allah subhanahu wa ta'ala il décide de préserver l'insan, de guider l'insan, de donner à l'insan, personne ne peut le garer, personne ne peut lui enlever, personne ne peut lui faire du mal. C'est pour ça que هذا التوكل c'est une ibadah azima et c'est une ibadah du cœur. Wa Shir Fawzan, حفظه الله تعالى, il a précisé هنا أنه c'est wajib, c'est obligatoire. pour tout le monde. Wala yunafil akhd bil asbab, ça contredit pas le fait de faire les causes. On place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on fait les causes. Bel les causes Allah subhanahu wa ta'ala amrana biha. Allah subhanahu wa ta'ala amrana bi akhd al asbab. Wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut. Et tu fais les asbab. Tu fais les asbab par rapport à ton dîn et par rapport aux affaires de ce bas monde. Et beaucoup d'exemples fi hada. Qala bal yattafiq ma'ahu tamaman. Na'am. وشيخ الإسلام المؤلف رحمه الله تعالى له كلام طيب جميل في التوكل et parmi ما اشتهر عنه أنه قال الاعتماد على الأسباب قطح أو الاعتماد على الأسباب شرك والاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قطح في الشريعة. Le fait de s'accrocher aux sabab, c'est du shirk. فمثلا si tu tombes malade, تتوكل على الله. تتوكل على الله. Tu places ta confiance en Allah. لماذا؟ لأن il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te guérir. الشفاء بيد الله عز وجل. C'est الشافي سبحانه. ومن أسمائه الطبيب. C'est nous, on les a vus ensemble dans l'explication des noms d'Allah عز وجل. مع هذا, tu fais les أسباب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله تداووا. Et soignez-vous. Donc on se soigne et on place notre confiance en Allah. Amma, celui qui pense que la guérison, ça vient de ce médicament ou de ce docteur ou de cette cause, c'est du shirk. Il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui guérit, c'est pas le docteur. Le docteur, il va faire une cause. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Si ça marche, c'est Allah qui a voulu te guérir. Si ça ne marche pas, c'est Allah qui a voulu que tu ne sois pas guéri. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Délaisser les asbab, c'est qathun fi sharia. Et c'est délaisser une chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnée. Wahad, il tombe malade, au lieu d'aller au médecin, à l'hôpital, voir ce qu'il a, faire des tests, il a arrêté, il a besoin d'une opération, il délaisse tout ça, il dit ana tawakkal ala Allah. Alors qu'il a le qudra, il a arrêté. Hada qathun fi sharia. Il ne fait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala amara bih, bel al-rasoul alayhi salatu salam. On doit faire les causes. Hakada, celui qui a besoin de se marier, hakada, celui qui a besoin de travailler, hakada, dans notre din. Wahad qui, comme il fait le bâd al-juhal, il prétend que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le ghafour et c'est le rahim. Il n'y a aucun doute, Allah c'est le ghafour et c'est le rahim, et il délaisse les causes. Bel bâd al-hum, ils disent, ils font des ma'asis, ils s'entêtent à faire des péchés. Ha'oula, la chèque, ils sont fait dhalalin ba'id. Qala, wa. خص صفة الحياة أي في الآية وتوكل على الحي الله سبحانه وتعالى هنا il a dit place ta confiance على الحي الله سبحانه وتعالى il a choisi la cité ce nom الحي le vivant لماذا إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح هذا كلام جميل أي الله سبحانه وتعالى vu qu'il est vivant vu qu'il ne mourra jamais vu qu'il ne dort pas sa vie elle est parfaite. Et s'il est vivant, c'est qu'il entend, c'est qu'il voit, c'est qu'il sait tout, il est capable de tout. فتوكل على الحي. قال ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. أما le mort, tu ne peux pas placer ta confiance en lui. Ou un vivant qui va mourir. ربما أنت tu attends une chose de lui et هو il meurt, il te laisse. فلهذا قال عز وجل وتوكل على الحي. الذي لا يموت. الله عز وجل اللي حي وكذلك لا يموت. Ça, ça montre أن sa vie elle est parfaite. فلهذا من السفاهة. Et c'est du كفر واضح. الذين يتوكلون على الأموات. ويشركون بالله عز وجل في هذا الباب. Ils espèrent, ils attendent que le mort, il leur réponde. مثلا, il est malade ou un de ses proches il est malade. Il demande à ce mort, il sacrifie pour ce mort, il va visiter sa tombe. Et il attend et il espère. Wa yatawakkal alayhi, il place sa confiance en lui. Robama, il ne fait même plus les asbab. Allez voir le médecin, il a akhri. Tout son espoir, il est basé sur ce mort. Ah, là, c'est du kufr, c'est du shirk. Limada. Il y en a le mort, il ne peut rien donner. Le mort, il pourrait faire quelque chose, il ne serait pas mort. Huwa. Falihada, al-mu'min yatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Amma ta mu'amala avec les êtres humains, il a akhri avec les asbab, en tant que cause. Tu fais la cause et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'anna la cause, ça ne marchera pas forcément. Comme minan nas, ils sont malades, ils vont à l'hôpital, ils ne sont pas guéris. Bel des docteurs qui, à la base, sont la cause pour soigner les autres, eux-mêmes, ils tombent malades. Enfin, la cause, Robama, elle-même, elle est touchée par Adda. Mais les docteurs, ils meurent, les docteurs, ils tombent malades. Enfin, les Hada, on ne place pas notre confiance en ces choses. Et tawakkul, c'est ala Allahi wahda. Et on fait les causes. Et kadhalik, alladhi yatawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala, c'est irtah. Il va être reposé. Et là, il va faire la cause, ça marche. Alhamdulillah, ça ne marche pas. Yatawakkal ala Allah. C'est pour son bien. Combien de maladies sont à la khayr et font partie des gens du paradis? Et combien de personnes qui sont en bonne santé et ils rentreront en enfer? Donc, l'insan yatawakkal ala Allah. Et kadhalik, anna hadhihi dunya, c'est dar al-bala. Cette demeure, ce bas monde, c'est la demeure des épreuves et des catastrophes et la akhirah. قال والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه ونفي الموت عنه ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى كم ضأ آية الكرسي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فأثبت لنفسه الحياة ونفع عن نفسه السنة والنوم وهنا dans ce verset الله عز وجل من سورة الفرقان الله عز وجل أثبت لنفسه الحياة ونفع عن نفسه الموت فتستفيد أن الله il est vivant, il ne meurt pas, il ne dort pas, sa vie elle est parfaite, il n'a aucune faiblesse, aucun défaut, سبحانه وتعالى. ثم قال dans le متن هنا on a une erreur وهو العلي العظيم dans le متن dans le شرح de الشيخ سعدي رحمه الله. قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, c'est pas cité dans le matn, si tu reviens au matn, خاصةً avec التحقيق. وَتَقَدَّمْ مَعَنَا قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ à la fin de آيَةِ الْكُرْسِي. فَهُنَا كَأَنَّهُ خَطَأٌ, إِمَّا une erreur d'imprimerie, إِمَّا une erreur dans le شرح, إِمَّا وَهْمٌ مِنَ الشَّيْخ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Il faudrait voir les autres éditions. Est-ce qu'il y a هذا الخطا ام لا. على كل حال الصواب هنا c'est ذكر قول الله, ذكر قول الله عز وجل وهو العليم الحكيم, وهو العليم الحكيم كما في شرح الشيخ الفوزان, اما في شرح الشيخ الفوزان وهو الحكيم الخبير ça c'est après. حتى في شرح الشيخ الفوزان حفظه الله il manque le verset وهو العلي الحكيم. فدان certains متون يا cet ajout. الله أعلم. على كل حال صفة أو اسم الحكيم سيأتي معنا, اسم العليم تقدم وسيأتي كذلك معنا إن شاء الله تعالى. فان passe directement أقوله وهو الحكيم الخبير. قال رحمه الله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Toujours des versets في صفة العلم. كذلك d'autres noms. هنا اسم الحكيم et الخبير. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقوله وهو الحكيم page 46 وهو الحكيم له معنيان. أحدهما أن الحاكم, أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة. هذا تقدم معنا كذلك dans l'explication des noms d'Allah, اسم الحكيم. قال والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة. Donc اسم الحكيم il y a deux sens. الحكيم أي الحاكم, ça vient de الحكم, صفة الحكم. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, ay yahkum bayna khalqihi, c'est lui qui juge entre ses serviteurs. Bi amrihi al-kawni aw al-shar'i. Na'am, falahu al-hukm al-kawni et al-shar'i. Al-kawni مثلاً Allah subhanahu wa ta'ala yahkum anna telle personne il doit mourir tel jour, wa yahkum anna dans tel endroit la pluie elle descend, wa hakadha, il fait ce qu'il veut. Ay des ahkam muta'alliqa bil-kawn. ثم يدى أحكام متعلقة بالدين. C'est ça, الأمر الشرعي, الحكم الشرعي. مثلا الله سبحانه وتعالى حكم أن تل شوز سي obligatoire, حكم أن تل شوز سي interdit. فس الحكيم سبحانه. المعنى الثاني ça vient de الحكمة, فقوله المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة وهي وضع الشيء أو وضع الأشياء في مواضعها. الحكمة c'est le fait de mettre les choses à leur place. Traduit par la sagesse. فالله سبحانه وتعالى c'est le حكيم. Chaque chose est à sa place سبحانه. تستفيد من هذا أن son دين est parfait. لا كما يظن بعض الملاحدة الزنادقة أن دين الله عز وجل est parfait, c'est le حكيم. Tout ce qu'il a ordonné, tout ce qu'il a interdit, c'est pour مصالح العباد. C'est pour notre bien-être. C'est pour nous, في الحقيقة. قال فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره. لم يخلق شيئا عبثا. Ça c'est من حكمة الله سبحانه وتعالى. Tout ce qu'il a créé, c'est بحكمة. Tout ce qu'il a créé, c'est بحكمة. Et avec ce point, tu comprendras une mas'ala azima fi al-qadr. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé le mal? Allah c'est le créateur de toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé le bien, c'est lui qui a créé le mal. Lakin ce mal que pour nous c'est un mal, le mal yunsab ila maf'ulat Allah azza wa jalla ila al-makhluqat, mais Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il fait c'est parfait. Ce mal est une hikmah. Pourquoi? Parce que Allah c'est le hakim. حتى للمرض حتى ce virus الان qui est propagé qui fait beaucoup de mal و كثير من الناس sont في خوف وقلق الى اخره. الحقيقه c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé bien sûr ce virus et c'est Allah subhanahu wa ta'ala hakam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que ce virus se propage. لا شك ان حكمه عظيمه من الحكم ان كثير من الناس ربما ils vont réfléchir. En tant que mu'min, tu ouvres les yeux encore plus. Cette dunya, elle ne durera pas. Aujourd'hui, tu es riche. Demain, Obama, tu changes de statut, tu deviens pauvre. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, tu tombes malade. فمثل هذه الحادثة حقيقة من وفقه الله سبحانه وتعالى سأل يُوَفِّقَ لِيَسْوِيَ وَيَرْتَاح. Et كذلك, c'est une rahma pour le mu'minin. Celui qui est touché par ce virus, Allah سبحانه وتعالى أراد له الخير si c'est un muslim. Et il aura la récompense du shahid. Et كذلك, c'est une niqma, c'est un adab contre al-kafirin. لماذا لأنهم ils propagent beaucoup de mal, ils font beaucoup de façades. Et بعضهم ils se croyaient intouchables. بعضهم من الكفار, ils avaient des projets, ils avaient du jour au lendemain, ils sont confinés, ils sont chez eux. Et الحقيقة, ça montre qu'ils possèdent rien, c'est des du'afa. أين الجبارون المتكبرون, ceux qui se moquent, ceux qui insultent, ceux qui prétendent qu'ils sont intouchables, qui sort de chez lui l'an, mais il s'est dit. Pourtant, ce virus, il ne le voit pas, il ne l'entend pas, il ne le sent pas. Min junudillahi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, c'est le hakim. Donc, si tu as compris ce point, ça va t'ouvrir des portes à beaucoup d'autres masa'il. Qala, wa lam yushirri' illa ma huwa aynul maslaha. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a sharra', ay, son din subhanahu, tout ce qui nous a ordonné, tout ce qui nous a interdit, les sentences, les adorations, les bons comportements, tout ça, c'est aïnul maslaha. C'est 100% pour notre profit, pour notre bien-être. ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا يعلمون. قال الخبير, le deuxième nom, قال عز وجل وهو الحكيم الخبير. قال من الخبرة وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. On avait cité la différence entre al-khabir et al-alim. عندما تذكرون شرح أسماء الله عز وجل تفضل. Quand sont cités les deux, al-alim c'est pour al-zahir et al-khabir c'est pour al-batin. Quand sont cités les deux, Al-Khabir c'est pour l'apparence, pour l'extérieur, et Al-Khabir c'est pour les choses cachées. Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Alimul ghayb wa shahada. C'est l'alim, c'est l'khabir. Et quand Al-Khabir il est cité seul, midlahuna, fala shak s'englobe Al-Alim. Fala yada qala shir al-Fawzan, ta'ammalu, wa hiya al-ihatatu bi bawatin al-ashya wa zawahiriha. Quand il est cité seul, fala shak anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'khabir, il sait tout. Les choses cachées, les choses apparentes. فعلى كل حال, ça ressemble à اسم العليم. قال يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقتي فهو سبحانه الخبير أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. فالله سبحانه وتعالى إستو. الشاهد من الآية أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه الحكيم الخبير، وهما يتضمنان صفتين من صفاته وهما الحكمة والخبرة. دونك نثبت هذه الأسماء. بوركوا؟ لأن الله عز وجل أثبتهما في كتابه. الله سبحانه وتعالى إلى أنفورمي كو سي الحكيم سي الخبير. فأون دي كو الله سي الحكيم سي الخبير. يتقدم معنا دون القاعدة المثلى أن الله عز وجل إذا أثبت لنفسه اسما فهذا الاسم لانجلوب فورسيمون أن أتخيبو. فالأتخيبو دو الحكيم سي الحكمة وهكذا الحكم. إلى أتخيبو دو الخبير سي الخبرة. الله سبحانه وتعالى إسيتو. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فيهما من الفوائد المسلكية. شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يمتاز على غيره أن كثيرا أبخل آيات السد هذه الفوائد المسلكية. المسلكية ça vient de السلوك. السلوك c'est le comportement إلى آخره، comment se comporter، comment réagir. Après avoir cité Rahmatullah Ali, مثلاً أن الله عز وجل سير حكيم سير خبير لا expliquer ثم يتسيد الفوائد أي le fruit de ce iman. Comme on avait fait ensemble الحمد quand on a expliqué les noms d'Allah عز وجل. فهنا إلى cité des فوائد قال أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به عز وجل. الله سبحانه وتعالى sait tout. سير حكيم. Il a décrété certaines choses. Ce décret, il est fondé sur la sagesse, sur le hikmah. Ça va pousser l'insan à tuma'nina. Ce virus qui est propagé l'an, tuma'in. Si ça doit te toucher, ça te touchera. Mets un masque, reste chez toi, sors. Si ça doit te toucher, ça te touchera. Fais les causes. Comme Akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne te rends pas dans un endroit où que ce virus est propagé. Si tu vis dans un endroit où que le virus est propagé, ne quitte pas cet endroit. Tu peux être la cause de contaminer les autres. Applique ces causes. ثم tu restes dans ce bilad et tatawakkal ala Allah. Si ça doit te toucher, ça viendra jusqu'à chez toi. Certains virus ils se propagent dans l'air. Certains virus Allah subhanahu wa ta'ala il a qadr que ça touchera tant. Tu peux faire ce que tu veux, ça te touchera. Celui qui a cette aqida yatma'in. Si ça te touche, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. Allah subhanahu wa ta'ala il veut pas de mal aux ibad. Al kuffar si ça les touche, les anahum c'est eux la cause. Ils font tellement de mal que Allah subhanahu wa ta'ala il les châtie. Un temps en tant que mu'min, tu peux être châtié à la tariq, là, le virus il peut atteindre un pays et dans ce pays il y a des musulmans, il y a des kuffars. Ça peut toucher des musulmans, c'est un khayr pour toi. Innama al-a'malu bin-niyyat. Tu seras ressuscité par rapport à ta niyya. Et celui qui meurt bi sabab hadha at-ta'un, ce virus, cette épidémie, bi shart bien sûr comme dans le hadith, yahtasib wa yasbir. Et كذلك il ne fuit pas. Ces trois choses, ne pas fuir, patienter, espérer la récompense, bi'idnillahi azza wa jal, c'est une rahma pour lui, et il aura la récompense du shahid. Celui qui réfléchit hakada, avec cette aqida, lakin, vous avez remarqué, on a précisé avec cette aqida, il faut cette cause. Mais celui qui ne connaît pas l'aqida, nuit et jour, il pensait qu'au travail, qu'aux enfants, qu'au sport, au moins cette épreuve, elle lui tombe sur la tête hakada, il n'a pas les outils, il n'a pas les armes pour combattre. Ce virus, tu ne peux pas le combattre avec une armée. On dort l'an, Bilal Kofr. Ils ont des armées très très équipées. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit la Russie, ils ont des armées très très fortes, très très équipées. On dort djund min djunudillahi subhanahu wa ta'ala. Personne ne le voit, personne ne l'entend, personne ne le sent. Regarde le mal qu'il fait. Et كذلك, c'est une ibra pour al-mushrikin, al-malahida. Annahum la yu'minuna bil-ghayb. Souvent, ils le répètent, c'est des malahida. Ils ne croient qu'à ce qu'ils voient, la yu'minun bir rab. Ils disent, laissez-moi avec vos choses, vos l'imadal'an, vous avez peur d'une chose que vous ne voyez pas. Et l'imadal'an, vous ne pouvez pas combattre cette chose. L'anna samin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Aliyadal insan yatma'in. Al-haqiqa, c'est une occasion pour ceux qui sont éprouvé parmi le hadal marad qui se trouve dans un pays où ils ne peuvent plus sortir. Apprenez votre aqida. Apprends le wasatiyya par cœur, c'est une ni'ma. Commence du début. Ils sont chez eux, ils ne peuvent plus sortir, ils sont en quarantaine comme ils disent. C'est les vidéos, c'est la musique, c'est... Cette épreuve-là, yastafidouna minha. Et la preuve, c'est que si demain tout va bien, ils sortiront, certains, ils feront les mêmes péchés. Mais l'aql, il en profite. J'ai du temps, je travaille plus et j'ai beaucoup plus de temps que d'habitude, j'en profite. Apprends. Peut-être que cette quarantaine, si tu finis, tu as appris l'oua, sauté, il y a par cœur. Wallahi, tu es fini, amatin azima. Khasatan, si tu écoutes après des dorous pour comprendre. En 40 jours, tu l'apprends très simplement, très facilement. Sans forcer, hein, celui qui force. Là, voilà, chacun l'apprendra beaucoup plus vite. Qala, rahimahullah. Les soudours, dhalika an ilm wa hikma. Pourquoi, yatma'in? Il y en a celui qui a décrété, qui a créé ces choses, c'est l'alim, c'est le hakim. Il a l'ilm, il a l'hikma. Et anta, si tu réfléchis à kada, celui qui a l'ilm ou l'hikma, voilà, chacun a tout ce qu'il fait, c'est fondé sur l'ilm et sur l'hikma, sur la sagesse. Donc ça ne te fera pas de mal. Là, t'as fait les bonnes œuvres, faqat. Tu meurs pas par ce virus, tu mourras par un autre virus. Bardenas, il meurt de la grippe. La grippe, c'est un virus. Bardenas, il meurt du cancer, Bardenas, du sida. Tu meurs pas d'un virus, tu mourras d'un accident. Si tu meurs pas d'un accident, tu mourras, quelqu'un te tuera. Si personne te tue, enfin, tu mourras de vieillesse, comme Ayakoulou. Mourim, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Tu ne peux pas choisir la cause. T'en auras une de ces causes. N'aie aucun doute. Fartah. L'essentiel, c'est pas est-ce que tu vas mourir. L'essentiel, c'est comment tu vas mourir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'mal bil khawatim. Tu dois tout faire pour que ce moment, quand la mort, elle vient, que ce soit un virus ou autre, tu sois à la khayr. Tu sois sur le bien. C'est quoi le bien? C'est cette aqidah à la prendre et la mettre en application. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fa yazoul anhu al-qalaq al-nafsi wa yanshrih sadruh. Yazoul anhu al-qalaq. Al-qalaq, c'est l'anxiété. Anahu, il se soucie, il réfléchit et yanshrih sadruh. Et son cœur, il s'apaise, il est épanoui. Virus ou pas virus, c'est min Allah. Azza wa jalla. Donc, tastavid anna ceux qui sont trop stressés, qui sont anxieux, qui paniquent la akhira par rapport à ce virus ou autre, une autre épreuve. On parle du virus, il y en a, c'est ce qu'on vit en ce moment. Ils ont des faiblesses dans l'aqidah. Plus l'insan a des faiblesses dans l'aqidah, plus il paniquera, il sera mal. Plus l'insan, il est qawi vu l'aqidah, il connaît sa aqidah, il la met en application, Allah, il ouvre les portes, il sera tranquille. C'est pas la première fois qu'il y a une épidémie. Et c'est pas la dernière fois, wallahu a'lam. Ash-shahid min al-aya qala Cheikh Al-Fawzan anna fiha ithbat ismayn min asma'ihi subhanahu al-hakim al-khabir wa huma yatadammanan sifatayn min sifatihi wa huma al-hikma wal-khibra. Hada taqaddam. Qala rahimahullah ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama' wa ma ya'ruju fiha. Qala Cheikh Al-Fawzan حفظه الله يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. Toujours des versets sur l'attribut du ilm. أن الله سبحانه وتعالى sait tout. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض. ما يلج أي ما يدخل. Tout ce qui rentre sur terre, الله سبحانه وتعالى il le sait. مثلا القطر والبذور والكنوز والموتى. Toutes les graines que les gens y plantent aux quatre coins de la planète. Chaque goutte de pluie qui tombe et qui rentre dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam dhalik. Qala wa ma yakhruju minha, كذلك tout ce qui sort de la terre. Min al-ard, qala ay min al-ard min an-nabat wal ma'adin wa ghayr dhalik. Tout ce que les gens ils sortent de la terre. Que ça soit le ma'adin, que ça soit l'or, les pierres précieuses, que ça soit à notre époque le pétrole, ila akhiri, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam chaque goutte dans quel endroit elle se trouve. Qala وما ينزل من السماء أي من المطر والملائكة وغير ذلك. كذلك tout ce qui descend du ciel, que ça soit la pluie, que ça soit les anges. Combien d'anges descendent par jour? Allah سبحانه وتعالى يعلم كل يعلم كل واحد من هؤلاء. Chaque ange il sait ce qui et chaque goutte d'eau qui descend, Allah سبحانه وتعالى il connaît, il sait. قال وما يعرج فيها أي يصعد في السماء من الملائكة وأعمال وغير ذلك. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب فالعمل ترفع. Les œuvres des êtres humains, elles s'élèvent dans le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Il connaît chaque œuvre, qui sait qui a fait. وهكذا الملائكة. Des malaïka qui descendent plutôt, et بعض الملائكة qui remontent. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam, il connaît tout. قال والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء كما تقدم. ثم قال وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وعنده مفاتح الغيب أي عند الله وحده خزائن الغيب أو ما يتوصل به إلى علمه أي certain choses يك الله سبحانه وتعالى كي يكون مفاتح الغيب أي الانفيزيبل. قال لا يعلمها إلا هو فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. celui qui prétend connaître l'invisible c'est un kafir, c'est pas un croyant. وقد ورد تفسير مفاتيح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس. مفاتيح الغيب خمس أي cinq choses يك الله سبحانه وتعالى كيكون لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة. ça c'est la première. علم الساعة أي يك الله سبحانه وتعالى كيكون الساعة أي quand est-ce que l'heure elle arrivera أي le jour dernier. وينزل الغيث يا كو الله سبحانه وتعالى كيسي اي نزول الغيث اي لا pluie. ويعلم ما في الارحام نعم اي سكو لي فام ال بورت كوم انفان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا personne ne sait ce qu'il aura demain. Est-ce que tu auras telle chose, Amla? Personne ne sait هذا. إلا الله. قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. Personne ne sait où qu'il mourra. قال ويعلم ما في البر أي اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك. البر c'est la terre. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في البر. Tout ce qui est sur terre. Être humain, animaux, insectes. الله سبحانه وتعالى يعلم الجميع. والبحر أي يعلم ما في الحيوانات. ما فيه من الحيوانات. والجواهر ونحو ذلك. toutes les pierres, tous les poissons, tous les animaux qui se trouvent في البحر, الله سبحانه وتعالى connaît tout cela, il sait tout cela. ونحو ذلك وما تسقط من ورقة أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك. chaque feuille qui tombe, les feuilles des arbres, que ce soit dans les océans ou sur terre, الله يعلمه. قال ولا حبة في ظلمات الليل أي ولا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات. نعم ولا حبة في ظلمات الأرض ما من بتيت حبة une chose très très petite dans l'obscurité dans un endroit obscur en pleine nuit. الله سبحانه وتعالى يعلم. الله سبحانه وتعالى il sait, il connaît cette chose. بل c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a décrété que telle chose elle se trouve ici. قال ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات عموم بعد خصوص. نعم ولا رطب ولا يابس ça c'est العموم. رطب quelque chose de rap, c'est quelque chose d'humide de mou. يابس c'est quelque chose de sec. الله سبحانه وتعالى يعلم الجميع ça c'est من العمومات. et juste avant c'était un تخصيص certaines choses spécifiques مثلا الورقة مثلا الحبة مثلا أطر. قال أي لا يحصل شيء من ذلك إلا أو قبل ذلك من جميع الموجودات عموم بعد خصوص إلا في كتاب مبين. أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى يعلم. الله سبحانه وتعالى il sait tout ce qui se passe sur terre dans la mer dans les montagnes en plein jour en pleine nuit ce que les gens y montrent ce que les gens y cachent et كذلك tout ça c'est écrit. et on verra ces deux points العلم والكتابة dans le chapitre du destin بإذن الله عز وجل. قال وجه الشاهد من الآية أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله وأن علمه محيط بكل شيء وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. نعم donc الله سبحانه وتعالى il sait tout علم الغيب personne le connaît sauf Allah. et نستفيد نحن من هذا أنه fait des œuvres vu que le qadar s'est fondé sur cela, le destin s'est fondé sur l'invisible. On ne sait pas nous, ce que Allah il a créé, ce qu'il a écrit plutôt Azza wa Jalla. On ne sait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété pour nous pour l'avenir. T'as fait des œuvres, fais du bien. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas injuste. Fais du bien et ce bien ça sera ton destin et tu mourras bi idhnillah Azza wa Jalla ala khayr. On finit ma yata'alaq bil ilm. Hatta le prochain dars, on commence une nouvelle sifa. Qala Azza wa Jal, wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi ilmih. Wa qawluhu لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به. فكم في الكون que ce soit les animaux, les femelles qui tombent enceintes et qui accouchent ou les êtres humains, كم الله سبحانه وتعالى يعلم Ya'lam, toutes ces femelles ou toutes ces femmes qui sont enceintes, et kadalik quand elles accouchent. Et c'est lui qui a créé cette femme ou cette femelle et ce qu'elle porte dans son ventre. Azza wa Jal. Qala, فَلَا يَخْرُجْ شَيْءٌ عَنْ عِلْمِهِ وَتَدْبِيرِ. Il n'y a rien qui sort min hada. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il gère tout. Il n'y a pas une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il ignore. Il n'y a pas une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne gère pas. قال فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى. Le jour où cette femelle ou cette femme elle tombe enceinte, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu. Amma ce qu'ils font l'un avec la médecine, les échographies, ils arrivent à... Il faut un certain moment. Ils entendent les battements du cœur. Ils voient le début de l'embryon. Il a akhiré. Amma Allah subhanahu wa ta'ala awwal yawm ya'lam. بل الله سبحانه وتعالى يعلم قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى تو إكري 50 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما la médecine الآن ils voient ce qu'il y a dans le ventre de la mère, ça c'est pas من علم الغيب. Ils voient une chose qui est موجود avec les appareils il a arrêté et ils entendent كذلك les battements du cœur. Après certains mois ils savent est-ce que c'est un garçon ou une fille, ça c'est pas من علم الغيب. Ça contredit pas ce qu'on a vu auparavant là. Il y en a qui voient quelque chose de مشهود. أما الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك قبل حصوله. Allah سبحانه وتعالى il sait si cette femme elle va tomber enceinte là avant qu'elle tombe enceinte, belle avant d'avoir créé cette femme عز وجل. قال فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع. نعم تحمل c'est tomber enceinte, تضع c'est accoucher. ونوع حملها أو حملها plutôt. نعم ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى. الله سبحانه وتعالى il sait au départ, بل avant d'avoir créé cette femme, بل avant d'avoir créé les cieux et la terre, أن telle femme elle portera un garçon ou une fille. عز وجل. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اللام متعلقة بقوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. Il a créé sept cieux et sept terres et il est capable de tout. Celui qui a créé sept cieux et sept terres, لا شك أنه إلى القوة إلى القدرة إلى العلم. قال أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أي ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا من كان. علما منصوب على التمييز وعلى المصدرية لأن أحاط بمعنى علما. هذا تقدم معنا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء وإثبات قدرته على كل شيء. وهذا تقدم أن الله سبحانه وتعالى il est capable de tout وأن الله سبحانه وتعالى il sait tout. Il connaît l'apparent, le caché, il connaît le passé, il connaît le futur, il connaît l'invisible, il connaît tout ce qui se passe sur terre, dans les océans, la nuit, le jour. فسبحانه. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله الفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة قوة مراقبة الله والخوف منه. Vous avez remarqué, dans l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal, souvent l'ulama cite comme fawaid maslakiya, comme thamara de al-iman, de beaucoup de noms et beaucoup d'attributs, al-muraqaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout et il sait tout. Il sait tout, taqaddam ma'ana. Là, tu dois faire attention de ne pas faire des péchés. Là, Allah, il te voit, il t'entend. Et il sait ce que tu fais. Al-qudra, ça va te pousser à dire al-khawf, Allah subhanahu wa ta'ala, qadirun. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de reprendre ton âme. Il est capable de te châtier vivant avant ta mort. Il est capable de te châtier dans la tombe. Il est capable de tout, subhanahu. Là, chacun a celui qui a cette aqida, ça y khaf. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut égarer ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te reprendre des choses que tu aimes beaucoup. L'insan yihdhar. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam. Et il fait les causes. Naktafi bihada. Et le prochain dars, on reprend à partir de qawluhu azza wa jal, inna Allah huwa al-razzaq dhul quwwati al-matin. Inshallah ta'ala. Et on passe à notre deuxième dars. والحمد لله